Installez-vous tranquillement dans un endroit calme et confortable. Allongez-vous sur le dos. Détendez vos jambes. Vos bras sont étendus le long du corps. Et vos paupières se ferment. Votre respiration est calme et ample. Cette respiration est naturelle. Elle se fait sans forcer. Sentez qu'à chaque respiration, votre corps se détend davantage. Chaque inspiration vous procure une détente agréable. Chaque expiration vous permet de laisser partir ce qui vous encombre, ce dont vous n'avez pas besoin. Tout au long de cette relaxation, gardez le contact avec ma voix. Vous sentez votre corps qui se détend peu à peu. Tous vos muscles. Tous vos muscles se détendent. Depuis votre tête jusqu'au bout de vos orteils. Sentez votre cuir chevelu qui s'étale bien. Votre front devient lisse. Vos yeux reposent naturellement dans leurs orbites et vos paupières sont lourdes. Vos joues se détendent. Et vos mâchoires se décrissent. Sentez votre tête repose totalement sur le sol. Votre gorge se dénoue. Sentez vos épaules qui se détendent et qui reposent davantage sur le sol. Votre respiration calme amène la détente dans tout votre thorax et votre abdomen. Cette partie de vous se libère. Étendez la région de votre bassin, vos fessiers, vos cuisses et vos mollets. Soyez conscient de ce profond sentiment de détente dans tout votre corps. Sentez à quel point il est apaisé. Votre esprit est serein. Calme. Parfaitement tranquille. Votre respiration douce se prolonge. Votre corps s'étale totalement sur le sol. Vous êtes dans un profond état de détente et de relaxation. Un sourire s'esquisse sur votre visage. Profitez de ce moment de bien-être absolu pour vous ressourcer pleinement. peu à peu. Reprenez contact avec les bruits qui vous entourent. Ressentez la température de la pièce. Vos paupières sont toujours fermées. Mais vous voyez la lumière filtrée à travers vos paupières. Commencez doucement par bouger les extrémités de vos mains et de vos pieds. Étirez-vous, bâillez, profitez-en pour étirer tous les muscles de votre corps. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous installer dans la position qui vous fait plaisir à cet instant. Vous pouvez prendre de grandes inspirations qui ramènent à vous la vitalité et vous aident à remonter votre niveau de vigilance. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez doucement rouvrir les yeux et revenir à la position assise. Prenez quelques instants pour garder en vous tout le positif de cette séance de relaxation.